vous marchez dans un long couloir vers une lumière immaculée. Oh là! Vous sortez enfin de l'hôpital par un dimanche ensoleillé. Oh, oh, Hollande. Votre guérison miraculeuse vous pousse à rebondir dans la vie. Oh Jésus, oh Lord, yeah. Oh Jésus, oh Lord. Vous devenez champion de trampoline dans plus de 129 pays. Oh Jésus, oh Lord, yeah. Oh Jésus, oh Lord. Bravo, tu t'en es si bien sorti. Que le Seigneur t'accorde une chanson bonus. Amen, toi en plage 14.